Hein, non mais dors, non mais je rêve là. Wow, salut les amis. Ah, salut. C'est lundi, hein, pop up, on attaque. Oh, ça va, ça va, ça va. Après un week-end comme ça, on a envie de tout donner. Non. Attendez, parce que moi j'en ai fait beaucoup des team building, ouais. Mais celui-là il était top. Hein, non mais l'idée de partir ensemble, pourquoi pas. Ça oui, mais le circuit aventure en forêt de Fontainebleau, non. Bah quoi, mais c'était pas chouette l'acrobranche. Non, ce n'est pas chouette. Non, puis ça nous aide pas dans notre travail de savoir passer d'un pas à l'autre sur un pont de sable. Ah bah ça te permet de te raccrocher aux branches de l'actu. Et le kayak, la plus-value du kayak. Bah, le kayak, bah, typiquement, Alex, bah, comme souvent tu rames pour trouver les sujets, bah, pas non, mais c'est toi qui te raccroches aux branches, ouais, Charline, là maintenant. Raison, ouais, ça nous a pourri le week-end à tous. Mais c'est oui, tout, on est crevés. On est tous d'accord là-dessus. Ah, mais crevés, les petites natures, bah, mais ça nous a bien soudés, enfin. Ça nous a bien soulés, effectivement. Non, mais quoi qu'il en soit, Charline, le team building, c'est bon maintenant, quoi. Entre le chaman du Nord-Pas-de-Calais, le Koh-Lanta en Seine-et-Marne, ça va. On a donné, on a donné. Mais comment est-ce qu'on va rester soudés alors? Mais on est soudés. Pas encore assez soudés. Ah non, dis pas que t'avais encore prévu une activité. Bah si, moi j'avais prévu un programme en trois temps. Mais ça va non, mais j'annule alors. Oui, bah annule. Oui. On va se reposer, ça va être bien. Voilà, ouais, c'est beaucoup mieux. Téléphone, annule. Voilà. Très bien. Hop. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, je suis bien à la tour d'argent. Oui, ce serait pour annuler la table de 8 pour ce soir. Non. Naker, oui. Oui, mais non, attends, le faire. Non, bah voilà, j'ai annulé la tour d'argent. Chouette, on fera pas d'escalade. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui interroge l'actualité par référendum. Et voici les trois informations pour lesquelles nous allons voter jusqu'à 18h. Le secrétaire général du Parti Socialiste propose un référendum sur l'union de la gauche, histoire de risquer de se vautrer avant même les élections. Que pensent les leaders des différentes formations politiques? Un pour tous, chacun pour soi. C'est bien ce qu'on avait compris. Fidel Castro a reçu le pape François. Voici ce que le leader Maximo a dit au souverain pontife. Comment ça, place aux jeunes? Non mais ça va pas, non? Je pète les flammes. Sylvie Vartan et Michel Sardou auraient pour mission de sauver le théâtre privé. Des chanteurs pour sauver les planches, c'est vous dire si la situation est grave. Bon, on va enchaîner. On peut pas forcer les acteurs à avoir du talent. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui brûlera celle du studio des Champs-Élysées ce soir, en même temps que les bougies de son gâteau, c'est Alex Vizorek. Oh oui, merci, vous êtes bien gentil, vous avez bien fêté ça aujourd'hui. Je vous présente une équipe, mais pas complète. Et pourquoi, je vais vous le dire. À 17h20, c'est notre chroniqueur cinéma, et aujourd'hui, il a choisi le rôle de l'homme invisible, puisqu'il a choisi de masquer son visage pour ne pas être reconnu par notre invité. Vous, chers auditeurs, vous le connaissez sans doute, c'est celui qui est censé nous parler de cinéma. Mais qui n'en parle jamais. Cher ami chroniqueur, petite information vocale. Très bien. Voilà. Est-ce que l'invité en commun en toujours un? Non, toujours un. À 17h30, lui aussi est très très fan de cinéma. Son film culte, L'Emmerdeur. Et il en tourne un remake tous les jours pour notre émission. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, à l'occasion des Journées du Patrimoine, je me suis rendu au Sénat et j'ai interrogé des visiteurs. Trop de dorure, ça tue la dorure hein, quand même. Voilà, Valérie D'Amido était là. Donc. Et à 17h40, elle, en matière de cinéma, le film qu'elle déteste, c'est Diabolomante, parce qu'elle ne voit pas du tout l'intérêt d'un Diabolomante. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour, et comme c'est l'automne, enfin comme c'est l'automne et l'été, je vous emmène à Casteljaloux. Ah, très bien, c'est là que se déroule le film dans lequel l'a joué notre invité. Mais qui est-ce? Eh bien, chaque jour dans cette émission, nous invitons un référent de la République. Vous êtes né sous Pompidou, vous êtes révélé au théâtre dans... Ça fait toujours plaisir. Bienvenue. Vous êtes révélé au théâtre dans La Tempête de Shakespeare, mise en scène par Peter Brook. En 91, c'est l'année où on découvre le groupe Oasis. Vous recevez le César du meilleur espoir féminin pour L'Ennemi Fauve en 93, quand Bernard Tapie bat le record de vitesse entre Paris et Béthune, hein, c'est l'affaire OMVA qui vient d'éclater. Vous jouez dans C'est beau, une ville la nuit de Richard Boringer en 2006, quand les étudiants anti-CPE nous rappellent que c'est chiant, une ville bloquée par les manifs. Vous êtes, je vous laisse nous le dire de votre voix, reconnaissable entre mille, vous êtes... Je suis Romane. Oh. Romane B. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Romane B est avec nous, elle nous revient de Casteljaloux qui est le village. Vous avez tourné dans ce village, oui, le film Les Rois du Monde. À Casteljaloux et aussi dans les village environnant. Casteljaloux, donc village du sud-ouest. Ce serait comme un huis clos dans le village, parce que le village est assez oppressant dans cette histoire, où Sergi Lopez, qui est Jeannot, était avec Chantal, fou d'amour, et tellement fou d'amour qu'il est extrêmement jaloux et finit en prison. Quand il sort de prison 3 ans plus tard, Chantal est avec Jackie, jouée par Eric Cantona. Et Chantal et Céline Salette. Et Chantal et Céline Salette, tout à fait. Donc une jolie blonde, toute gentille comme un ange, coincée entre deux, entre Sergi Lopez et Cantona, qui sont donc les rois du monde, du moins dans ce village de Casteljaloux. C'est deux bêtes en termes de présence cinématographique. Qu'est-ce que ça donne au film et comment vous trouvez votre place et votre rôle entre ces bêtes de cinéma et votre présence? Écoutez, oui, ça ressemble à... Oui, moi j'ai toujours vu ça comme un espèce de western rural. Hein. C'est... Quand je l'ai lu, il y avait vraiment de ça. Ça se finit comme ça d'ailleurs, on dira pas comment, mais ouais. Ça se finit en western. Non mais c'est vrai que Laurent voulait faire une... elle a tout de suite parlé de western, de tragédie, de... C'est une tragédie grecque ouais, carrément, dans un village du sud-ouest. Voilà, tragédie grecque à Casteljaloux. Comment je me situe moi? Écoutez, j'étais absolument émerveillée, enfin impressionnée même de rencontrer mes partenaires. J'ai très peu tourné avec Eric, mais il est absolument divin. Mais beaucoup avec Sergi Lopez. Mais Sergi, est-ce que vous avez un rapport avec lui? Ouais, Sergi Lopez est carrément pour moi un acteur immense, un partenaire. Fabuleux. Alors il y a une particularité, c'est que on ne sait pas exactement quelle est la relation de votre personnage avec les autres. On sait que vous êtes proche du personnage de Jeannot joué par Sergi Lopez. On ne sait pas vraiment si vous êtes sa sœur, si vous êtes de la famille, si vous êtes son ex. Et apparemment, d'après ce que dit le dossier de presse, parce que moi je me suis dit tiens, Juliette aussi, Arnaud, vous avez vu le film, on s'est dit mais on ne sait pas très bien quelle est la relation, quel est son personnage. Et apparemment c'est volontaire, donc on a pas mal compris. Alors généralement les acteurs sont un petit peu en recherche psychologique ou d'introspection de qui est mon personnage, etc. Et vous-même, est-ce que vous savez vraiment? Où le flou est entretenu? Non, je sais un peu. En fait, beaucoup des personnages du film de Casteljaloux sont inspirés par des gens que Laurent a connus, aimés. Le personnage de Marie-Jo est un petit peu inspiré de sa maman. Moi, j'ai rencontré sa maman à Casteljaloux, sa famille. Donc, je me suis imprégnée un peu de cette personnalité, de ce que je sais d'elle. Bon, Marie-Jo, dans le film, c'est un personnage, c'est vrai, assez mystérieux, très solitaire, très croyant. Alors ça ressort pas énormément dans le film, mais c'est vrai que moi je le savais, très pieux, très croyant. Et elle est une espèce de témoin de, en fait dans ce village tous les gens veulent partir en fait, hein. On assiste à des histoires de gens qui rêvent d'ailleurs, qui rêvent de, et elle est celle qui reste, et elle est celle qui sait ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant et peut-être ce qui se passera. Elle est une espèce de personnage un peu d'entre deux et de... Elle est vraiment une espèce de phare dans ce village, de sagesse, et elle regarde avec beaucoup d'empathie, de bienveillance, ceux qui se sont aimés, ceux qui se déchirent, ceux qui vont s'en aller. Elle est la maman aussi du jeune Victorien, qui est celui qui trouvera la lumière par le théâtre. Le théâtre est un des personnages du bien film, sûr. Évidemment. Ouais. Et dernière question à ce sujet, le film est dédié à Céline Salette, qui joue le rôle principal. Ah non. Ah bah si, à la fin. Non, le film est dédié à Aurore. D'accord. Qui était la sœur de Laurent qui est décédée il y a très peu de temps. Très bien, pardonnez-moi, j'ai confondu. Mais c'est donc un film très personnel pour le réalisateur. Ouais. C'est facile de trouver sa place. Et surtout, est-ce que, au-delà du scénario, il y a peut-être un rapport, vous aimez ce réalisateur pour son côté auteur, etc. Parce que c'est le village où il a passé son enfance. Céline Salette et sa compagne, etc. Donc il y a quelque chose de très perso. Mais écoutez, je crois que tous les gens qui sont réunis sur ce film, Sergi, Eric, moi je connaissais Laurent avant parce qu'on avait des projets de théâtre ensemble, Céline, sont des gens qui ont été emmenés par le côté attachant, bouleversant par moment de Laurent, qui a rêvé ce film depuis des années, qui a écrit deux pièces de théâtre. Il avait un projet, un triptyque, c'est-à-dire qu'il a écrit deux pièces qui s'appelaient déjà Casteljaloux, une qu'il a jouée seul, une qu'il a fait jouer par 10 comédiens, et il savait déjà qu'il en ferait un film. C'est son premier film, il y avait une espèce de... C'est toujours très émouvant d'être dans un premier film dont on a l'impression qu'il est il est une question vitale. Il le dit, Laurent, il a dit qu'il voulait écrire c'est sur ce milieu dont il s'est extirpé et finalement qu'il le rappelle, cet attachement à ses racines, partir, devenir quelqu'un. C'est l'histoire de Laurent, ce film aussi. Il est devenu metteur en scène de théâtre, il est d'opéra. Donc c'est un film sur la il a mis ses tripes. Il y a quelque chose de bouleversant quand on rencontre des jeunes cinéastes qui ont cette force de c'est un chef de troupe aussi donc cette force d'entraînement. Moi je le connaissais, mais Eric, quand on a Sergi qui ne le connaissait pas, on était tous assez bouleversés par le scénario. On avait envie d'en être, quelle que soit notre place dans le film, on avait envie de le suivre. Il est vraiment je sais pas, il est très fédérateur, c'est quelqu'un de très fédérateur. Ça s'appelle Les Rois du Monde, ça sort mercredi, avec vous Romane Boringer, avec Eric Cantona, Céline Salette, ou Sergi Lopez notamment, et le théâtre, qui est un personnage à part entière. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. Right about now. The funk soul brother, check it out. Sont Pompidou, sont Giscard, savent que danser là-dessus en boîte, c'est une catastrophe, n'est-ce pas, Herman Boringer? C'est Fatboy Slim de Rockefeller Skunk. Et autour de cette table. Eh bien, autour de cette table, il y en a deux que je vois. Il y a Juliette Arnaud et il y a Guillaume Meurice. Et il y en a un qui est caché sous un bas, hein, comme quelqu'un qui va faire un hold-up. Et je ne vous dirai donc pas qui c'est. Et c'est lui dans 5 minutes. Donc on va le savoir et Herman Boringer va découvrir quelqu'un qui. paraît-il, la connaît. Et voilà. Et alors tout de suite, Romane Bohringer, à cette heure-ci, nous informons la France. Parce que, bon, sur France Inter, il y a beaucoup de journaux, mais tout n'est pas toujours dit. Donc on va remettre l'église au milieu du village tout de suite. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. Journée du patrimoine, tout le week-end vous avez pu visiter des lieux d'ordinaire fermés. En revanche, les bureaux de poste pour les horaires sont restés les mêmes. Primaire à droite, un nouveau candidat s'est déclaré, Hervé Mariton. Ouais. Il aurait pu s'inscrire à l'Euromillion ou au 100 mètres olympiques, il aurait autant de chances de gagner. Et des brefs, parce que j'aime beaucoup ça. Ce week-end, c'était donc les journées du patrimoine au ministère des Finances. Des visiteurs ont pu découvrir les ruches qui viennent d'être installées sur le toit de Bercy. Au moins, il y a un endroit à Bercy qui produit quelque chose. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a du miel. Journée du patrimoine toujours, Val, ça fait visiter Matignon. Oui, un adolescent lui a dit qu'il aimerait devenir président de la République. Réponse de Manuel Valls, je cite, « Tu as raison, il faut de l'ambition. Tu attends que François Hollande termine son mandat, qu'il en fasse un autre, puis moi que je puisse en faire deux autres, et puis après tu arrives. » Voilà, et après on s'étonne que les réfugiés essayent plutôt d'aller en Angleterre. Hervé Mariton a déclaré son intention d'être candidat aux primaires à droite. Mais évidemment, ce choc pour la politique française. On retrouve Guillaume Meurice devant le siège des Républicains. Oui, tout à fait, Alex. Oui. Cette candidature a soulevé d'importantes questions. J'imagine. Ici. Comme par exemple, Hervé qui ? Voilà. Ou alors, on a combien de candidats maintenant ? Voilà, d'ailleurs, faites un petit bilan des forces en présence à droite. Oui, moi je suis candidate. Oui, voilà, je suis avec Nadine Morano. Oui, je suis candidate. Oui, qui voudrait, je pense, nous parler de son programme. Oui, voilà, mon programme, d'abord, je suis candidate. Voilà, merci Nadine. De rien, je suis candidate. Oui, voilà, merci. On attend encore pas mal de candidatures en tout cas. Voilà, vous n'hésitez pas à couper ce flash d'informations s'il y a de nouvelles têtes qui se présentent. Très bien. On reste à droite avec Puteau. La mère est accusée d'avoir retiré des lingots d'un comte au Luxembourg. Voilà, donc la défense. Ce n'est plus seulement un quartier de Puteaux, c'est aussi le quotidien de sa mère. À gauche, Emmanuel Macron déclare le statut de fonctionnaire n'est plus adéquat. Eh bien, les fonctionnaires, ils vont être furieux d'apprendre ça quand ils vont rentrer mercredi du week-end. Page internationale, Alex. Le Colisée de Rome est resté fermé vendredi sans en avertir les touristes. La raison de cette fermeture surprise, une réunion syndicale. Au Colisée, vous dites. Exact. Ah ouais. Donc c'est bien une pratique historique dans les maisons rondes. Effectivement, Angleterre, James... qu'est-ce que je dis, James, James. Et oui, je fais la boulette. David Cameron, rattrapé par ses années de débauche, effectivement. Il a dévoilé. Voilà, à l'université, il a beaucoup picolé, il a beaucoup pécho, et il aurait même mis son sexe dans la bouche d'un cochon mort. DSK a immédiatement demandé s'il pouvait reprendre la politique en Angleterre. Guillaume nous appelle. Oui, oui, nous avons de nouveaux candidats à droite. Jean Sarkozy, oui. Bernard Tapie, voilà. Emmanuel Macron se sont inscrits à la primaire. Ah, ben voilà, très belle info flash. Vous restez présent, tout Guillaume. Tout à fait. Voilà. Cinéma. Jean Dujardin, oui. Tourne la suite de Brise de Nice. Il dit « J'ai 11 ans de plus et lui toujours 12 ans d'âge mental. » Ça vaut bien la peine de gagner un Oscar si c'est pour se retaper Brise de Nice. Le prix du public du Festival de Toronto a été décerné à Room. Room, le film inspiré de la captivité d'Elisabeth Fritzl et ses enfants dans la cave par Joseph Fritzl, a gagné le prix du public au Festival de Toronto. On l'attend beaucoup en Belgique. Hein, on aime beaucoup tout ce qui est comédie romantique. Une page média à présent. Guillaume, Guillaume. Oui. De nouveaux noms. Oui. Faudel. Oui. Rémi Bricard. Non. Et même le réparateur de la machine à café se sont ajoutés à la liste des candidats à la primaire de droite. Passionnant cette primaire de droite. Oui. Merci Guillaume. Une page média. Le 20h de TF1 a été devancé par celui de France 2. Voilà, et Claire Chazal aurait été aperçue en train d'utiliser ses 2 millions de primes de départ pour acheter des téléviseurs et les brancher tous sur France 2. Sport, football, match houleux à Marseille. Voilà, match interrompu pendant 20 minutes dû à des jets de supporters sur la pelouse. Il visait Valbuena, considéré comme un traître pour être passé à Lyon. Le problème, c'est que Valbuena, il est très difficile à viser. Il n'est pas très grand. Et on termine par Lyon, où le premier rassemblement de roues de France a eu lieu ce week-end. Oui, et il a fait beau, heureusement. Merci, à demain. Voilà, à demain. Oui, attendez, Alain Prost, le candidat aussi. Oui, d'autres candidats. Alain Prost, oui. Benjamin Castaldi, Valérie Giscard d'Estaing, Marc Dutroux, le capitaine Igloo. Et un roux. Merci, voilà, c'était les informations de presque 17h17, puisqu'il est 17h26 déjà sur France Inter. S'il vous plaît. Eh bien, il y a une rumeur ambiante qui dit que quand il pleut, les roux sentent mauvais. Ah bon, je savais pas. C'est moi. Les chiens. Mais non. Et puis c'est pas une rumeur, c'est vrai. Non, ah bah, c'est vrai. Ouais, moi, ouais, bah, c'est beau, la formation bah, écoutez, sur France. Si je suis le seul à avoir cette info, la batte ne peut pas fonctionner. J'en suis bien content. Restez avec nous, Romane Boringer. On va remettre tout ça sur les rails. Vous n'aviez jamais entendu ça. Et on vous rappelle que mercredi sortent Les Rois du Monde de Laurent Lafargue en salle mercredi. Et on va aborder avec vous le premier sujet de cette émission. Parce qu'on sait que vous vous intéressez de très près à la politique et vous avez un regard de sociologue. Vous adorez ça, la religion. Donc on s'est dit, on va vous faire cadeau. Premier sujet, à 3 mois des élections régionales, le Parti Socialiste a eu une idée de génie. Organiser un référendum... Bon, alors là, qu'est-ce que j'en pense? Alors moi, je vous interromps évidemment parce que moi, le Parti Radical de Gauche... Attendez, c'était bien parti, justement. Donc, un référendum sur l'union de la gauche... Non, il faut alors, ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est que si toutes les forces de gauche s'unissent... Excusez-moi. Écoutez, je suis sûr que la chute va être... Il va y avoir un truc. On avance. Donc, il faut s'imaginer une réunion entre Coco, Socialo et Écolo. Non, c'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bon, moi je m'en vais. Voilà, vous avez gagné la fève. Non, je suis désolé, je vois pas d'autre solution. Je vous rappelle que vous vivez ensemble. Vous pourriez pas vous friter quand on n'est pas là? Ça fait à peine 5 minutes. Parce que quand vous êtes pas là, vous croyez qu'on se récite des poèmes? Est-ce que ça nous concerne, ça? On vient pas ici pour vous regarder, vous envoyer des fions. Je tiens à vous prévenir que le voyage a été particulièrement pénible et il va pas en falloir beaucoup pour que ça pète. Faut surtout pas prendre parti. Écoutez, ça va, c'est bon, ça va, c'est calmé, c'est fini. On va pouvoir reprendre depuis le début. On se refarcit toutes les présentations? Non. On a senti un petit côté satirique chez vous, Romane Boringer, face à la politique. Je pense que vous regardez. Pas du tout. Vous regardez. Tout. Non, non, je suis extrêmement au fait de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe dans les partis de gauche. Et surtout, vous avez l'air au fait des mécanismes de langage de nos politiciens et de la manière dont ils débattent. Non. Écoutez, oui. Mais c'est quelque chose, ça vous intéresse et vous n'aimez pas en parler ou vous en fichez un petit peu? Non, ça m'intéresse, voire ça me bouleverse, mais je déteste m'exprimer sur l'actualité. C'est une réponse. Bienvenue dans cette émission avec 3 sujets d'actualité. On peut juste essayer. Est-ce que c'est pas une formidable idée qu'à 3 mois des élections, il y a un chef de parti qui dise « Dites donc, si on s'unissait, on serait vachement plus fort pour gagner ». Qu'est-ce que vous dites? Vous voteriez, vous? Alors, je vous dis, le référendum, c'est très simple. On peut voter par Internet. Le référendum pour l'union de la gauche. Mais qui peut voter? Tout le monde. Tout le monde. Oui, parce que c'est par Internet. Et il y a aussi des urnes sur les marchés, bientôt, qui seront tenues par des militants. Enfin, si tout ça se fait, bien sûr, c'est encore hypothétique. C'est une bonne idée. Vous, Romane Boringer, vous dites, allez, entre acheter une botte de poireaux et un poulet rôti au marché, je vais quand même essayer de voter pour l'union de la gauche. Je mets un petit bulletin. Non, je sens que ou entre 5 minutes sur YouPorn et 3 sur Allociné. Mais est-ce que par exemple on essaye. Les écolos, ils ne feraient pas bien d'essayer déjà de faire l'union d'eux-mêmes avant d'essayer de faire l'union avec les autres? Eh bien pourquoi pas. On revient à votre secours. Juliette Arnault, vous iriez voter? L'un n'empêchant pas d'autre. Moi je suis toujours d'accord pour voter. Alors là, n'importe quoi, Miss France, je rêve d'y participer. Alors bien sûr, l'union de la gauche. Peut-être on peut demander notre avis au chroniqueur mystère. Je te le répète. Non, il ne veut pas. Ouais, il est ukrainien, donc il ne sait pas. Est-ce que la vie à Casteljaloux, vous avez tourné le film, pourrait s'améliorer en fonction des votes? Est-ce que la politique peut encore changer les choses à Casteljaloux, qui est, je rappelle, le lieu où a été tourné votre film, qui est un western un peu à huis clos dans ce village qui est un peu étouffant. Est-ce que la politique peut encore sauver la vie des gens? La vie des gens. Il est question de théâtre. Peut-être que le maire de Casteljaloux dans le film est un chic type qui a un budget théâtre. Je sais pas, en fait. C'est d'essayer de, sans que vous vous en rendiez compte, vous faire parler de politique. Mais j'ai l'impression que vous êtes ça bien balèze. Non mais vous moi je voterai toujours à gauche quoi qu'il arrive. Voilà. Et ben oui, mais laquelle? Quelle surprise! Donc vous êtes pour l'union? Quelque part, non mais comment dire? Non, non mais c'est absurde cette union, cette idée, c'est absurde. C'est on se fiche de la gueule de qui? Non mais. Il y a un avis clair. Il n'y a pas d'union, mais il le faut. Il le faudrait. Est-ce que c'est pas une bonne idée d'aller voir une conseillère conjugale, même un mois avant le divorce? Et voilà. Et voilà, on a fait le tour de la question. Non, mais il le faudrait tellement. Donc, si. Je suis pour, bien sûr, mais pour... Est-ce que vous êtes pour découvrir notre chroniqueur masqué, Romane Boringer? Attention, chroniqueur masqué. J'ai carrément peur. On m'a dit c'est Romane Boringer. Romane Boringer. Encore une fille d'eux. Mais c'est le féodalisme, ce pays. Hein? Moi, je croyais qu'on avait coupé la tête du roi, moi. Qu'on était sortis du népotisme. Mais pas du tout. Ça continue. C'est permanent. En politique, ça n'a jamais arrêté. Napoléon avec l'Italie, le fils Giscard avec Chamalières, le fils Mitterrand avec l'Afrique, la fille Le Pen avec le FN, Hollande avec... Non, Hollande, ça marche pas. Il n'y en a aucun qui veut faire comme le père. Mais bon, dans le spectacle, c'est pareil. Et je vous épargne la liste. Hein ? C'est un scandale. Ça sent la guillotine, votre affaire. Ça sent la révolution, moi je vous le dis. L'autre jour encore, dans un magazine féminin, un article sur les fils d'eux qui, comme papa, maman, vont faire du cinéma, ou du théâtre, ou de la musique, ou alors, plus sûrement et plus facilement, du mannequinat. Non ? On est vraiment surpris qu'il n'y en ait pas un qui ait décidé d'être charcutier. Romane. Bon, Romane, elle, tout de même, on peut dire que c'est un peu différent. Oui, vu qu'elle n'a pas dit son nom quand elle a auditionné pour Peter Brook au tout début de sa carrière. La vérité, c'est qu'elle n'a pas dit parce que son père, Richard, avait embouti la voiture de Peter Brook un peu plus tôt et qu'il était fumasse, Peter. Donc je le comprends. Mais bon, elle a juste dit son nom, elle a fait des essais et le grand Peter Brook l'a engagé. Voilà, pas de piston, pas de népotisme, pas de passe-droit digne de l'ancien régime, juste du talent, une rencontre et paf. D'ailleurs, moi, si j'avais été son père, je lui aurais dit à Romane, je lui ai dit, mais Romane, change de nom, mais n'importe quoi, mais ne dis pas que tu t'appelles Boringer. Mais ça va être comme à l'école quand t'arrives et que le prof reconnaît ton nom et comprend que t'es le frère de cet élève qui lui a pourri les deux dernières années. Ce que tu vas apprendre, mais Romane qui, la fille de Richard, dis donc, j'ai une question, toi, est-ce que t'es aussi casse-couille que ton père ou pire, hein? Moi, c'est ce que je lui aurais dit si j'avais été Richard. Je lui aurais dit change de nom, et je sais de quoi je parle. Parce que j'ai dit la même chose à ma fille. J'ai dit, Anna Girardot, méchant, j'appelle toi Lampadaire, Champagne, Vizorette, je sais pas, mais pas Girardot, mais surtout si, pas lui. Et elle, c'est pire, parce qu'on croit qu'Anna Girardot, c'est sa grand-mère. Alors, ce qui est quand même dingue, vu qu'Annie Girardot, c'est même pas ma mère. Hippolyte Girardot. Oh là là. Romane Boringer, vous l'avez démasqué au mot casse-couille. Est-ce que c'est normal? Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes aussi casse-couille que votre père? Non, mais je l'ai démasqué avec sa voix, lui aussi. Mais oui, oh là là. Ça va, je t'ai pas fait trop peur. Non. Est-ce que c'est une bonne surprise ou... Sublime. Oui, formidable. Ouais. Il n'a pas menti, on se connaît, c'est vrai. D'ailleurs, monsieur Girardot, si vous voulez que votre fils... J'ai très très chaud, moi, derrière ce masque. Peut-être ça y est, Hippolyte, en revanche, j'ignorais ta casquette de chroniqueur. Ah, oui, c'est ça. Tous les lundis, Hippolyte Girardot. Que tu ignores tout, pour pouvoir le faire. Allez, nous sommes en compagnie de Romane Boringer jusqu'à 18h. Et d'Hippolyte Girardot, et de Juliette Arnault, et de Guillaume Nono, et d'Alex Vizo. Oh, France Inter avec la programmation musicale de Djoubaka. On est ensemble jusqu'à 18h, on passe l'actualité à la machine à laver. On a mélangé le blanc et les couleurs. Et elle n'en sort jamais vraiment propre. Et autour de cette table, nous avons Juliette Arnaud. Il s'est démasqué, c'est Hippolyte Girardot. Et maintenant, c'est l'heure de notre ami enquêteur qui a été patrimonisé. Oui, tout à fait Alex. Les journées du patrimoine, c'était ce week-end dans toute la France. Et ça permettait à tout un chacun de pénétrer dans de vieux bâtiments. Hein, ce que fait régulièrement Alex Vizorek, dont je vous rappelle la passion dévorante pour les cougars. Oui, j'aime la poésie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis rendu au palais du Luxembourg où siègent les fameux sénateurs. Parce que des vieux dans du vieux, bah, je trouvais que c'était une belle mise en abîme. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de citoyens qui étaient venus visiter leurs impôts, dont ce monsieur. Bon, le Sénat, ça fait 2 années qu'on le visite, 2 fois. Ah ouais, 2 fois ? 2 fois, oui. Ça a changé depuis l'année dernière ? Je n'ai pas trouvé beaucoup de changements, non. Vous allez revenir l'année prochaine ? Au Sénat, peut-être. Voilà, donc là, on a affaire à un fanatique, hein, vraiment, du Sénat. Vous l'avez d'ailleurs certainement reconnu, il s'agit de la fameuse personne qui regarde la chaîne publique Sénat. On le cherchait partout, ce téléspectateur. Oui, il était là, bravo. Alors, pas de triomphalisme, hein, si Bolloré rachète la chaîne, il est capable de faire chuter l'audience, qui tomberait ainsi dans le négatif. Hein, donc, soyons vigilants. Est-ce que l'épouse de ce monsieur était aussi calée que lui sur le Sénat ? Vérifions. Qui est le président du Sénat ? Le gros, là, comment il s'appelle ? Non, s'il vous plaît, non. Le gros, attendez, c'est le deuxième personnage de l'État, tout de même. Alors, en volume, hein, c'est vrai que c'est le deuxième personnage de l'État aussi, derrière François Hollande, et malgré son régime. Mais il l'est aussi et surtout au vu de la Constitution française. Donc, je m'excuse auprès de ce couple, hein, qui doit être en pleine procédure de divorce. Non, mais vous rendez compte, monsieur le juge, elle a traité Gérard Larcher de gros. Oui, bah écoutez, moi, ça fait 20 ans qu'on est mariés, 20 ans que je me tape la visite du Sénat tous les ans, j'en ai marre ! Je demande pas les Maldives, mais merde, une visite du Conseil d'État ou de la Cour des comptes une fois de temps en temps, ça serait trop demandé ! Bon, laissons là les considérations conjugales et revenons à notre mission de service public. À quoi sert le Sénat ? Je vais vous expliquer tout ça avec un autre visiteur. C'est la chambre qui est avant, celle... Celle où... c'est l'étape avant l'Assemblée nationale où sont votées les lois. Voilà, je pense. Avant ou après ? Avant. Avant l'Assemblée nationale. Je suis pas bête. Non, vous n'êtes pas bête, jeune homme, mais c'est juste que c'est vrai que c'est un peu complexe tout ça. Même Val, s'il a essayé de comprendre au début, et puis il a rien pigé, il a dit allez, terminé, ça me saoule, 49-3, allez hop là. Hein, on le sait, on peut pas lui en vouloir. Pinochet avait fait exactement la même chose, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, le Parlement, c'est compliqué. Mais heureusement, cette citoyenne était davantage au courant du rôle exact du Sénat. C'est pour, je sais pas, c'est pour les réunions. Pour les réunions de quoi ? Des chefs de l'État. Ils se réunissent ici ? Oui. Et ils font quoi ? C'est tout. Ils boivent. Je... Alors c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Alors je suis pas certain pour le coup des chefs d'État, mais c'est vrai que ça picole pas mal au Sénat. Hein. Certains disent que pour faire de la politique, il faut avoir la foi. Pour être sénateur, il faut surtout avoir le foie. Hein. Un point pour cette demoiselle bien bien renseignée. Continuons notre mission d'éducation civique avec un autre citoyen. Le Sénat, c'est une des chambres de nos parlements qui sert à contrôler l'application des lois et la liberté. Je pense, de nos concitoyens. C'est un peu flou tout ça. C'est un peu flou, c'est très très flou, mais j'ai jamais fait de cours de droit, je suis désolé. Ah oui, mais vous votez. Ah, je vote, ah oui, je vote. Je suis un républicain convaincu. Et c'est très important, j'essaie d'expliquer ça aux jeunes enfants qu'on a avec nous aujourd'hui. Ah, mais alors attendez, vous leur expliquez quoi ? Je suis en train de me fourvoyer là. Oui, alors il y a clairement fourvoyage. Hein, c'est sûr que si c'est comme ça qu'il explique aux gamins, ils vont être autant captivés que Gérard Larcher devant un plat de nouilles nature. Mais il y avait un début de réponse hein, avec cette idée de loi, hein, c'est vrai. Alors essayons d'aller plus loin avec une visiteuse. Oui, c'est donc les projets de loi sont discutés au Sénat par les sénateurs élus. Donc. Les députés, en fait, qui parmi les députés sont sélectionnés des sénateurs. Attendez, j'ai pas compris votre histoire de député et sénateur. Oui, bah, il faudrait que je puisse comprendre déjà. J'espère que c'est pas pour mettre dans le bêtisier. Non, pas du tout. Bah non, tu vas pas finir dans le bêtisier du tout. Alors, je dis pas que tu vas finir prof de droit constitutionnel non plus, hein, n'exagérons rien. Mais les sénateurs ne sont pas choisis parmi les députés. Effectivement, le Sénat vote des projets de loi qui ont déjà été votés par les députés. Et s'ils sont pas d'accord, c'est toujours l'Assemblée qui a le dernier mot. D'où une hypothèse largement répandue dans l'opinion publique. Et si le Sénat servait tout simplement à que dalle ? Demandons à un autre citoyen. Ils n'ont pas tellement de pouvoir, mais c'est surtout pour voter des lois. Ah oui, mais alors s'ils n'ont pas le pouvoir, à quoi ils servent ? Disons que les députés ont plus de pouvoir que les sénateurs. Alors est-ce que c'est encore utile d'avoir un lieu comme le Sénat ? Oui, c'est utile. Oui. Mais s'ils n'ont pas de pouvoir ? Non, mais on a quand même besoin des sénateurs parce que ce sont des... représente... Voilà, donc c'est un bon résumé d'à quoi servent les sénateurs. Alors n'attendons pas de François Hollande qu'il le supprime, hein, le Sénat, parce que s'il décidait de supprimer ce qui est inutile, il serait obligé de commencer par lui, ça c'est fâcheux. Donc rassurez-vous, vous pourrez encore visiter le Sénat l'année prochaine, vous pourrez vous imprégner de l'ambiance de travail au sein de ce palais de la République. D'ailleurs, je n'ai croisé aucun sénateur, et ça, ça donne un bon aperçu du Sénat tout au long de l'année. Merci Guillaume Meurice, c'est quand même fou, donc les gens qui visitent ne savent pas ce que c'est que le Sénat. Ils disent c'est joli, on a vu de la lumière, on est entré. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est joli par contre, c'est vrai que mais c'est joli. On ne sait pas à quoi ça sert. C'est fascinant. Romane Boringer, à quoi ça sert le Sénat? Voilà, et ben voilà, on a un bon résumé aussi. C'est parce qu'elle ne veut pas parler politique. Oui, non, on jette un peu retour à la politique. Et pas du tout au cinéma, Les Rois du Monde de Laurent Lafargue, ça sort en salle mercredi. On va en retoucher un mot tout à l'heure avec Juliette Arnaud. En attendant, le deuxième sujet, parce qu'on sait que vous êtes une fan de religion. Et ça, c'est une passion. Catholique. Et donc, ça, on l'a senti tout de suite. Donc, place de la Révolution. Je vous repose le cadre hein, pour entamer le débat. Place de la Révolution à Cuba, sous le portrait du Che. Ce n'est pas le long fleuve d'un discours de Fidel Castro qui a coulé hier, mais celui du pape. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, il fallait plutôt rester discret quand on était croyant à la Havane. Cela dit, Fidel a reçu le pape en jogging. Il y a des choses qui ne changent pas comme ceci. La langouste de Cuba, tout le monde adore ça. On la pêche tout là-bas, on la surgèle dans le froid. Voilà, place de la Révolution, sous le portrait du Che, avant une poignée de main à Fidel, voilà le pape accueilli en rockstar. Il y a tout un reportage dans Le Monde daté d'aujourd'hui, reportage de Florence Aubenas. Oh, j'allais lire. Je vous le donnerai après si vous voulez, parce que c'est un très beau reportage où elle explique un livre d'histoire dont les pages se seraient brusquement mélangées. Vous êtes déjà allé à Cuba, Romane Boringer? Ça vous tente ou pas? Est-ce que vous faites partie des gens qui se disent il faudrait que je tarde à y aller pour voir à quoi ça ressemble encore ce reliquat? Oui, ça me tente très bien, oui. Étant jeune, vous n'aviez pas eu les t-shirts Che Guevara? Vous n'aviez pas cette Alors passion. Elle est toujours jeune, hein, Romane. Oui, parce que voilà, j'entends bien. Ne me la fâchez pas. Alors, il y a une page d'histoire qui se joue sous nos yeux. Vous regardez ça quand même un petit peu. Oui. C'est quand même, ça nous a accompagné toute notre vie, le Che, le pape qui change, qui devient un peu soi-disant rock'n'roll, hyper rock'n'roll, le pape. Oui, je regarde. Alors, sinon, les Cubains, j'essaye de vous intéresser au sujet. Je suis intéressée par le sujet, mais qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai une question où je pense que vous êtes obligé de donner une réponse. Si vous aviez une heure et vous aviez le choix entre la passer avec le pape ou Fidel Castro, avec lequel des deux vous passeriez volontiers une heure? Parlez-vous espagnol? Parce que va falloir. Le pape, mon Dieu. Eh bien voilà. Ah oui, le pape, ça vous dirait? Non, mais surtout je celui-là. Sais pas quoi vous répondre, surtout. Ouais, c'est pas grave. Sinon, les Cubains disent que la prochaine visite qu'ils attendent avec impatience, en tout cas dans le reportage de Florence Aubenas, c'est le passage des Rolling Stones à Cuba. Ah, ça vous motive plus déjà. Il faut qu'il fasse vite, hein. Hippolyte Girardot. Quoi c'est une page d'histoire, mais sous nos yeux. C'est une page d'histoire, mais ça va, l'Amérique du Sud est extrêmement croyante. C'est juste de la politique, ouais, bah, t'as rien de religieux là-dedans. De la géopolitique. Ouais. Alors là, je m'excuse, c'est de la géopolitique. Ah, tu vois, cette visite du pape, ne serait-ce pas... C'est pour le c'est, début est bien. On sent qu'il y a le média training derrière, il manque plus qu'à mettre la bonne parole politique. Non mais il a beaucoup compté le pape. Bien sûr, c'est grâce en à dessous, lui. Entre l'Amérique et Cuba pour les relations qui vont soi-disant. C'est grâce à lui qu'elle dégèle. Mais voilà. Oui, les catholiques ils ont buté tous les Indiens. Ça, j'aurais pu le dire, ils peuvent pas s'excuser. Ah oui mais. J'ai lu cette phrase dans le journal ce matin. Oui, sûrement. Et vous, Pauline Girardot, si vous aviez une heure, avec lequel des deux? Moi, avec Fidel. Oui, j'aurais parié. Non, moi, mais il reçoit le pape en jogging, c'est quand même pas très... Hein. Il n'arrive plus à rentrer dans ses pantalons. Excusez-le, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, quand même. C'est vrai, il y en a un en robe et l'autre en jogging. Alors, c'est surtout qu'il est vivant, Fidel. Oui, c'est à chaque fois c'est l'information. Ben oui. C'est vrai que c'est à chaque fois l'information. N'est-ce pas, Romane Boringer? Vous validez. Oui, au moins, vous validez. Ah, vous êtes toujours là, Romane Boringer. Fidel est vivant. C'est une info. Allez, Juliette Arnaud, c'est le moment de votre chronique où il est question d'un village du Sud-Ouest, n'est-ce tout pas à fait. Qui a un rapport avec notre invité, Romane oui, Boringer. Oui, voilà, parce que. Sacrément. Tout à fait. Oui, bah oui, casser le jaloux. Le château des jaloux, ou du jaloux, on ne sait pas. Donc, Les Rois du Monde, c'est l'adaptation d'une de deux pièces de théâtre qui sont basées elles-mêmes en partie sur les souvenirs d'enfants adolescents de Laurent Lafargue. Donc, à Casteljaloux, Lot-et-Garonne, un peu plus de 4000 habitants. Ça vous rappelle quelque chose? Casteljaloux? Allez, on fouille dans ses souvenirs de lycée? Ah, oh, les enfants, on était en quand Belgique, même donc, Ah oui, bah, c'est l'excuse de la Belgique. Comme dans Cyrano de Bergerac, nous sommes les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel-Jaloux, bretteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne. L'action du film se situe de nos jours à Castel-Jaloux, donc, et tout va à peu près bien quand Jeannot, Sergi Lopez, sort de prison. Bon, mais il a pris 3 ans pour couler une blessure sur la personne d'un type qui avait dragué assez brutalement, il faut bien le reconnaître, sa fiancée, Chantal, Céline Salette. Et là, ça commence à aller un peu moins bien à Castel-Jaloux, vu que Jeannot est décidé à reprendre son ex à son mec présent, Éric Cantona, alias Chichinet. Oui, ce nom lui va comme un bobard décapité, mais ça rajoute du sel à l'histoire. Et là, ça vire encore au plus mal lorsque Chantal, l'objet de tous les désirs, mi-caissière, mi-prof de théâtre, jolie femme, sensuelle, au moment de choisir entre l'actuel et l'ancien fiancé, peine à exprimer sa position. On la comprend, Chantal, hein, on la comprend. Elle est un peu dans le nini. Et puis surtout, elle doit choisir entre Jeannot, sanguin, impulsif et qui boit des pastis comme si ça rendait l'eau potable. Jeannot, que Roman Boringer supplie d'oublier le passé, de faire comme l'avance, la rivière et d'aller de l'avant. Jeannot, qui lorsque Chantal lui demande « Mais qu'est-ce que tu veux de moi à la fin ?» Donc Jeannot qui répond à Chantal « Ben j'arrive plus à réfléchir, il faut que tu réfléchisses à ma place. » Et Chichinet, donc, qui lui a pour ambition ultime d'ouvrir sa propre boucherie, exactement comme son papa l'avait fait avant lui. Ah là là, les hommes et leur père. Excusez-moi, ça c'est ma vie personnelle. Tout ça nous fait un tableau de la masculinité assez flippant, plein de testostérone et de fureur et d'aveuglement. C'est un de ces moments où on se dit qu'on est bien contente d'être née femme, mais qu'en tant que femme hétérosexuelle, on n'est pas sortie de l'auberge. Mais comme disait le grand philosophe Mick Jagger, you can't always get what you want, but you might find sometimes that you get what you need. C'est-à-dire que parfois, vous quand même, vous avez un truc qui vous arrive et qui est bien. Et là, c'est un autre homme de cette histoire, c'est Romain, le fils de Roman Boringer, 17 ans, apprenti acteur, tout en sensibilité et enthousiasme, avec sa petite moustache de cadet de Gascogne. Hein, nous y voilà. Clin d'œil à Cyrano. Et si Chantal échoue à se faire entendre de ces deux hommes, déjà faits, déjà vieillissants, avec son élève, avec Romain, elle réussit. Alors elle lui enseigne Molière, elle lui lit des réflexions de Louis Jouvet, pour qu'avant de quitter Castel-Jaloux pour le conservatoire et la grande ville, il se souvienne de ce que doit être le métier de comédien. Je cite, « Ce n'est pas seulement de vanité que tu vis et de succès. Il y a plus d'amour des autres à tout instant que d'amour de toi. Seulement, tu ne le sais pas, seulement tu t'oublies. Parce que tu te crois le centre, le point d'émission. Ne l'oublie pas et ne te prends pas pour le centre, mais pour l'occasion, l'accident, le moyen, le fil de communication. Il y a plus d'amour et de générosité en toi que tu ne le penses. » Et ça, bim ! C'est tellement agréable et juste, hein, que ça doit pouvoir valoir pour tous ceux qui ne sont pas comédiens. Alors on se le répète jusqu'à ce que ça devienne vrai. Il y a plus d'amour et de générosité en toi que tu ne crois. Juliette Arnaud, merci. Et cette vision du film Les Rois du Monde de Laurent Lafargue qui sort en salle mercredi. Intense. Eh oui, et on disait justement que le théâtre était un véritable personnage. C'est le cinéma qui regarde le théâtre et le théâtre qui est un lieu où tout peut revivre. C'est le lieu le plus positif de l'histoire du film. Hein. Et Romain est joué par Victorien Cacioppo, ouais. qui est en devenir. Là, il va éclater. Mais oui, je l'espère pour lui, je lui souhaite. Ce cinéma qui regarde le théâtre, ça vous parle beaucoup. J'imagine que vous adorez le théâtre. Ouais, c'est très difficile de parler du théâtre au cinéma, je trouve. Oui. Très difficile. Et là, vous estimez que... Pas mal. Que c'est pas mal fait. Pas mal. Non, mais je veux dire, c'est une petite partie du film. Mais je trouve que... C'est la bulle d'oxygène. Ouais. Mais je trouve que Laurent, il a évidemment... Bon, bah, c'est vraiment un homme de théâtre, donc je trouve que Laurent, il a réussi, mais c'est peu dans le film. Mais c'est un hommage. J'aimerais presque que ce soit plus, mais je trouve qu'il a réussi à montrer, enfin, à effleurer ce que ça peut avoir de beauté, de réflexion. Non, mais de beauté, quoi, de ce que ça peut donner comme force, ce que ça peut ouvrir comme horizon. Et c'est justement, oui, Julien. Non, c'est un endroit où on peut échanger les genres, ouais. C'est-à-dire dans ce film où la testostérone prend beaucoup de place où c'est difficile de trouver sa place de femme. Typiquement, quand elle fait jouer Tartuffe face aux deux élèves garçons, elle fait jouer le personnage de la femme par le jeune garçon. Donc c'est un moment où le genre, tout à coup, est moins poids femme, c'est homme, vrai. Finalement. Ouais. pas si important. Effectivement. Et en ce moment, c'est vrai que c'est un débat et c'est important. Justement, c'est le troisième sujet qu'on a choisi. Ah, bon, alors là, je peux m'exprimer. Vous allez voir. Romane Bourragé, c'est un diesel, mais quand elle est lancée, on arrête tout. Attention. Alors on l'a changé, c'est le conflit israélo-palestinien. On va pas faire ça finalement. Attention, Sylvie Vartan est ce qu'on appelle une locomotive du théâtre privé. Nous avons lu ça dans l'Obs. Le directeur de la salle se fiche pas mal de savoir si elle joue bien. Elle a un nom, elle remplit la salle. Je vais à des essais, on me dit ah, t'es trop connue, on cherche une inconnue. Je vais à d'autres essais, on me dit je suis désolée, t'es pas assez connue pour en faire le truc. Trop connue, pas connue, inconnue. Je suis désolée, j'y suis pour rien du tout. Le bal des actrices, Maïwenn, vous aurez reconnu Romane Bourringer, connue, pas connue, voilà. En tout cas, Sylvie Vartan, ultra connue, Michel Sardou, ultra connue, sont censés, paraît-il, sauver le théâtre privé en faisant un carton sur leur nom. Romane Bourringer, ça marche vraiment comme ça de nos jours? Il faut en arriver là. Voilà, je vais vous surprendre, mais je vais me taire sur ce sujet. Car il y aurait trop à dire. On est tellement déçus. C'est pas vrai. Il y aurait trop à dire. Vous pensez que quand on chante, on peut être un bon acteur et remplir les salles? C'est déjà un atout, savoir bien chanter. C'est complexe comme sujet. Ah, mais vous savez, on n'a pas peur de sujets complexes. Non, mais moi, je suis vous une auriez grande... aimé qu'on parle de quoi? Parce que, comme ça, quand vous reviendrez. Moi, je suis une grande, une fervente défenseuse du théâtre public. J'ai fait des incursions dans le théâtre privé, mais à chaque fois accompagnée par des gens avec qui j'ai travaillé dans le théâtre public, donc pas trop effrayée par. Voilà, je connais certains directeurs de théâtre privé. Qui sont des gens formidables, qui espèrent encore pouvoir imprimer à leur théâtre une signature, quelque chose de contemporain, qui sont des gens qui cherchent encore. Mais ouais. C'est vrai que le théâtre privé est... c'est symptomatique d'une crise, ça, où on se dit il faut Sylvie Vartan, ça va faire. Le problème, c'est que le théâtre privé, c'est vrai que ils ont besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Le théâtre public aussi, mais je veux dire, c'est vrai qu'au théâtre, dans le théâtre public, on nous donne l'impression, en tout cas, que le gain n'est pas le but et que c'est surtout d'expérimenter, de faire découvrir. Non, il y a un truc un peu malheureux là-dedans, c'est que il faut des beaux textes, surtout il faut des belles choses. Je préfère parler des directeurs de théâtre privé que je connais, qui sont il y a des gens qui croient, qui espèrent pouvoir quand même faire découvrir des textes, des acteurs, mais qui sont quand même soumis à ce truc dans une saison. S'il y a deux spectacles, faut qu'il y en ait un qui marche, sinon c'est la cata pour eux, quoi. Donc alors il y a peut-être quelque chose qui va vous faire sursauter dans cet article paru dans l'Obs qui s'appelle Au théâtre ce soir, showbiz sur scène, où il y a un directeur qui dit, à propos de Sylvie Vartan par exemple, ou de Michel Sardou, tant mieux s'ils n'ont pas d'expérience de la scène, c'est un argument de vente supplémentaire. Alors moi ça me fait marrer, mais je sais pas si c'est drôle ou si c'est grave. Les gens se cassent la gueule. Celui-ci, c'est pas vrai pour Sardou, ça doit être la 4e ou 5e pièce de théâtre. Enfin, je veux dire, on va défendre un petit peu Michel. C'est difficile parce que par exemple, en même temps, Sylvie Vartan a le droit de faire du théâtre. Qui sommes-nous pour lui interdire d'aller au théâtre? Bien sûr. Après, on a le droit de ne pas y aller. Il faut rappeler ça aux gens. Voilà. Après, par exemple, il y a des entre-deux. Il y a par exemple Marc Lavoine ou Éric Cantona qui ont une expérience quand même au ciné. Et donc, est-ce qu'ils paraissent un peu plus légitimes? Déjà monté sur scène. Aussi, ouais. Donc là, on est dans un entre-deux. Bon, Bernard Tapie, par exemple. Ça, c'est ignoble, par exemple. J'aime les avis tranchés. Par exemple, c'est vraiment ignoble. Non, moi, je dis, c'est... Mais il avait besoin d'un peu d'argent, c'est ce que je dis, moi. Scandale du théâtre. Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était en l'an 2000. Non. Voilà. Et puis, en général. Il a le droit de faire du théâtre, Bernard Tapie, par contre. Oh non, mais il a le droit. On voit bien qu'il a le droit de tout faire. Il pense qu'il a le droit de tout faire tout le temps. Donc, c'est pas un problème. Sylvie Vartan. Par contre, c'est pourquoi les gens y vont. Ça, c'est autre chose. Pour voir Sylvie Vartan et Michel Sardou. Non, je croyais qu'on parlait de Bernard Tapie. Mais par contre, Johnny Hallyday, qui avait fait du Tennessee Williams l'année dernière, n'a pas du tout bien rempli, alors que les gens s'attendaient, alors que ça marche bien quand ils chantent. Oui. Toujours donc citer y a un Johnny. Espoir, il y a un espoir. Non, voilà. Les gens sont pas Johnny. Si cons. Allez, on va se détendre un petit peu, parce que là, on était un petit peu énervé avec le théâtre. C'était énorme. Ce sujet a pris comme ça. Finalement. Romane Bourringer a enflammé ce studio avec son avis. Là. Que vive longtemps le théâtre public, les amis. Voilà un avis qui est bien. Je vais vous donner un petit rôle, c'est l'heure du sketch. Oui, attention. Attention, c'est un rôle d'actualité, puisque vous êtes Madame Castro. Ah ouais. Fidel Castro, c'est Hippolyte Girardot. Le pape François, c'est Guillaume Meurice. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé lors de la visite. Ah, Bonjour, monsieur Castro, c'est un honneur de vous rencontrer. Madame Castro. Salut Jean-Paul, comment va? Ah. Excusez-le, il perd un peu la boule. Ah, d'accord, d'accord. Alors Jean-Paul, toujours contre la capote? Faites semblant que vous êtes Jean-Paul II, ça nous fera gagner du temps. D'accord. Bon, oui, fidèle, le préservatif, je suis contre. Ah, les Polonais. Sinon, pas trop fatigué. Ça va. Mais vous savez gérer un pays, c'est pas simple. Oui, mais c'est votre frère, le président. François. Jean-Paul. Oui. Non, ça non plus, il n'est pas au courant. Ah, bah vous faites un très bon travail comme président. Merci, mais vous savez, c'est pas facile, les élections. Bon, rassurez-moi, il est au courant qu'il n'y a pas vraiment d'élection, qu'il est élu à vie. Vous êtes mal placé pour lui reprocher ça. Oui. Dites donc, c'est bizarre, ce rideau que vous portez. Hein. Vous devriez mettre des survêtements Adidas comme moi, c'est pratique. Il n'est pas au courant que ça fait plouc. Ah, très bien. C'est très joli. Jean-Paul, un peu de rhum? Non, c'est gentil, j'en viens. J'ai pas compris. J'adore les jeux de mots. Moi aussi, j'adore ça. Mais vous êtes deux des plus importants dirigeants du monde et vous faites des jeux de mots? Ah, j'en ai un autre, Vas-y, fidèle. Nous, au Cuba, on a le Che, vous, au Vatican, vous avez le Jésus. C'est excellent, très drôle. Jean-Paul, t'es drôle. Allez, on a bien ri. Hein. Maintenant, monsieur Jean-Paul va y aller et nous, on va préparer les élections. Non, mais il n'y a pas. Ne t'inquiète, Jean-Paul, je me présente aux élections en Algérie. Là-bas, je passe pour un jeune. Roman Boranger était Madame Castro, Hippolyte Girardot était Fidel Castro, Guillaume Meurice le Pape. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Roman Boranger, merci les rois à du vous. Monde. J'espère avoir éclairé un peu. Mais complètement. Mais complètement, on est informés sur tous ces sujets. Je ne raconte pas. Nicolas Demorand est au taquet, il croit qu'il n'a plus rien à faire là. Les rois du monde de Laurent Lafargue, ça sort en salle mercredi et nous on se retrouve demain. Un pour tous, chacun pour soi.